Si je pouvais sauver le monde, je sais pas si je le ferais. Des fois c'est bon qu'à jeter, foutu des fois c'est bugué. Toute la tyrannie, la lâcheté dont la terre est peuplée. Toute la jalousie, la traîtrise dont la terre est peuplée. Détruire. Construire. Détruire. Construire. Détruire pour construire, hier je disparais, demain je renais. Détruire. Construire. Détruire. Construire. Toutes les civilisations finissent par tomber. Du sel dans les yeux, la mer déchaînée sur la jetée. J'ai répandu les cendres, j'ai récolté ce qu'on a semé. Des roses et des chrysanthèmes, des violettes et des bleuets. J'ai implanté les graines, j'ai récolté ce qu'on a semé. Adieu l'époque où je me levais, whisky sur la table de chevet. Civilisation perdue, symphonie inachevée. Mois de décembre en été, je repense à ce qu'on était. Peut-être je me ferai baiser, je passerai pas ma vie à méfier. Je pue les calculs et je plus jamais faire de maths. De plus en plus crédible depuis que les Yankees, des Yankees rap. Sabre à la main, baby card, j'avance. Deuxième acte, j'avance. L'homme s'ennuie et donc il a inventé le diable, j'avance. Maman connaît le nom des arbres, moi je m'en bats les couilles. Superficielle, je sais juste dire quelle marque est cool. J'ai grandi en ville, je connais que les endroits où faut boire des coups. Ma bande de potes, aussi t'en invite un, ils se ramènent tous. Casquette à la gloire des Bulls, Scotty Pippen, basket rouge. Bientôt je m'en vais, j'arrête tout. Satoshi Kon, perfect blue. J'essaye de boucler la boucle. J'essaye de boucler la boucle. J'essaye de boucler la boucle. J'essaye de te parler comme si j'en avais quelque chose à foutre. Et je meurs un peu plus chaque fois qu'on m'appelle monsieur. Le gosse naïf de 8 ans, moi faut que je rentre ses deux yeux. J'en ai venu devenir démon, c'est parce qu'ils étaient peureux. J'en ai vu tellement petit, je me disais. Deviens jamais comme eux. Faut qu'on fasse le trait dans ce qu'on a appris. Mes parents sont pleins de qualités, communiquer n'en fait pas partie. On savait pas ce qu'on faisait comme dans les témoignages des nazis. Vu de l'espace, on n'est rien d'autre des parasites. C'est l'histoire d'un enfant qui grandit. Se réveille et se demande s'il fait vraiment partie des gentils. Les civilisations finissent par tomber, même les empires. Je m'en bats les couilles d'un empire. Corps chéré comme une angine dans la nuit éclairée par l'incendie. Se faire rattraper par la terre. Noir pour les erreurs qu'on a fait et qu'on va faire. Bleu et rouge parce que je me base sur mon pays. J'enlève le blanc pour évoluer, des fois faut détruire. Shuriken parce que c'est stylé, parce qu'il faut savoir kiffer. Pour se défendre, mais ça reste une étoile donc on peut prier. Un damier comme ça tout le monde peut se l'approprier. J'étais tout seul, on est des milliers.